si un jour au Japon tu vas, sur la merveilleuse île de Honshu, rends-toi. Du sud, remonte vers le nord, suis le vent. Il te portera jusqu'au village de Kiso. Arrivé à destination, cherche la rivière. Où ? Comment ? Oh ! Ne t'en fais pas. Aie confiance. Tes pas sauront trouver le chemin. En marchant, regarde autour de toi. Regarde les immenses montagnes bleues saupoudrées de neige. Regarde les sapins, les cyprès et écoute les cascades au cœur de la forêt. Absorbé par la beauté du paysage, sans t'en rendre compte, tu seras arrivé près de la fameuse rivière. Avec tes petits doigts de pied, touche l'eau. Ouh ! Elle est fraîche, n'est-ce pas ? Mais c'est normal, elle arrive de la montagne, elle est passée par les entrailles de la terre et elle a des milliers d'années. Maintenant, ferme les yeux et tends l'oreille. Si, et seulement si, ton cœur est pur autant que vaillant, alors tu entendras s'élever, entre les petites gouttes d'eau qui sautent, une mélodie merveilleuse et puissante. C'est l'âme, paraît-il, de Tomoe Gozen. Qui est-ce, tu te demandes? Eh bien, mais tout simplement, l'une des plus grandes samouraïs de tous les temps. Tomoe Gozen a le visage pâle et les cheveux noirs. Ses yeux sont grands, vifs, brûlant. Sur le champ de bataille, elle n'a peur de rien, ni des dieux, ni des démons. Coriace, dure à cuire, Tomoe Gozen est fascinante. Mais elle est aussi un peu effrayante. Lorsque son sabre vole dans les airs, disons que ce n'est pas pour couper la tarte aux myrtilles de mémé en 8 parts égales, si tu vois ce que je veux dire. Auras-tu le cœur assez bien accroché pour la suivre dans tous ses combats? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Tiens-toi prêt. Après le coup de gong, nous plongeons dans l'histoire du Japon. Nous sommes à la fin de l'ère Heian, au temps... Waouh ! Des tout premiers... Samouraï. Tomoe a existé, on le sait. Mais c'est une femme pleine de mystères. Elle apparaît et disparaît dans la brume, faute, comme une silhouette magique, au beau milieu d'un rêve. Enfin, non, pas tout à fait. Tu me connais, j'exagère un peu. C'est un être humain, et comme tous les êtres humains, elle est née un jour. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement quand. Sans doute durant l'année 1157. Depuis son plus jeune âge, Tomoe sait qu'elle veut combattre. Attention, hein, pas comme les femmes de samouraï à qui l'on apprend à manier les armes pour défendre leur maison, leurs enfants ou leur village. Non, elle veut elle-même être samouraï. Comme ses grands guerriers, elle veut monter à cheval et tirer à l'arc. Comme eux, elle veut les honneurs et la gloire. Elle veut commander une armée et faire frémir de peur tous ses ennemis. Samouraï, en japonais, cela signifie « celui qui sert ». Servir qui ? Mais un seigneur, voyons, en l'aidant à conquérir plus de terres ou en défendant celles qu'il a déjà. Un peu comme le faisaient les chevaliers du Moyen-Âge, si tu veux. Pour Tomoe, il n'y a aucun problème. Surtout si elle peut récupérer en échange un bon paquet de pièces d'or. Oui, mais voilà. À cette époque, les grandes guerrières, oh, ça ne court pas les rues. Et alors, est-ce que tu crois que ça va l'arrêter? Tomoe a le cœur ardent et l'âme en acier trempé. Qui pourra l'empêcher de combattre? D'autant que, d'après la légende, c'est déjà arrivé. Avant Tomoe, racontent les anciens, lorsqu'ils ont un petit coup de saké dans le nez, le Japon a connu une grande, une immense combattante, l'impératrice Jingu. Au IIIe siècle de notre ère, cette incroyable Amazone aurait traversé les montagnes et l'océan pour conduire ses armées jusqu'aux trois royaumes de Corée. Est-ce le modèle de Tomoe? Je l'ignore. En tout cas, je suis sûre qu'elle y pense quand elle s'entraîne. L'apprenti samouraï travaille tous les jours, des heures durant. C'est extrêmement dur. Mais il faut ce qu'il faut pour devenir la meilleure, pour atteindre l'excellence. Les samouraïs des années 1100 suivent le Kyuba no Michi, la voie de l'arc et du cheval. Tomoe commence donc par apprendre l'équitation. C'est absolument essentiel. A-t-on déjà vu un samouraï se promener à dos de poule ou de chameau? Non, exactement, jamais. Les vallées du Japon sont vastes. Il faut les parcourir à toute vitesse. Et surtout, il faut se battre sans tomber de sa selle. Et ça... Laisse-moi te dire, oh, que ce n'est pas de la tarte. Ensuite, elle apprend le tir à l'arc. L'arc représente l'autorité et le pouvoir. C'est le symbole de la valeur du samouraï. Au début, Tomoe n'est pas très douée. Oups! Heureusement, elle ne tire jamais de flèches enflammées. Sinon, oh, je te raconte pas. Bonjour, l'état de la forêt tout autour. Cela dit, elle progresse. Et très vite, elle ne rate plus jamais aucune de ses cibles. Tenir un arc entre ses bras, oh, c'est une sensation incroyable et terriblement puissante. Précision et maîtrise de soi sont les maîtres mots. Souvent, son professeur lui répète: jeune Tomoe, dans la multitude, concentrez-vous sur une seule direction. Lâchez, la flèche touchera assurément. Le corps de Tomoe est devenu fort, robuste, résistant. Elle a des abdos en béton et ses bras sont très musclés. Tu l'imagines sur son cheval, vêtu de son armure de fer, son arc accroché au dos et le sabre à la ceinture. Ouah ! Oh, sacrément impressionnant, n'est-ce pas ? Tomoe Gozen est enfin prêt. Mais pour devenir une grande guerrière, il faut un grand combat. Pendant des années au Japon, le soleil s'est levé du bon côté et la pluie est tombée pile poil où il fallait. Bref, c'était la paix. Jusqu'à ce que... Oh, horreur! Malheur! Deux clans ennemis, les Minamoto et les Taira, se disputent le pouvoir. En 1180 commence la fameuse guerre des Genpei. En quelques années, l'histoire du Japon va basculer. Au début, la situation n'est pas vraiment à l'avantage des Minamoto. Kiyomori, le grand combattant Taira, place son petit-fils Antoku sur le trône. Il a 2 ans. C'est à peine si le pauvre petit tient debout sur une balançoire. Il n'est ni plus ni moins qu'un empereur fantoche, une marionnette entre les mains de la famille Taïra. Évidemment, cela ne plaît pas du tout au Minamoto. Les grands chefs du clan ne tardent pas à réagir. Parmi eux, il y a le général Minamoto no Yoshikana. Il décide de lever une armée pour renverser les Taïra. Devine qui combat fièrement à ses côtés. Bingo! Notre valeureuse Tomoe. Yoshinaka a fait d'elle son capitaine. Et il a bien raison. Je ne voudrais pas avoir l'air de frimer à sa place, mais aucun soldat ne lui arrive à la suivre. Elle seule sait dompter les chevaux les plus fougueux. Sans frémir, elle dévale à toute berzingue les pentes les plus dangereuses et elle a la force d'un ours. Yoshinaka lui fait entièrement confiance. Avec elle, il le sait, il peut dormir sur ses 2 oreilles. Le 17 août 1183, la troupe s'empare de Kyoto, la capitale impériale. Les Taïra prennent la poudre d'escampette. Ils quittent la ville. Ils emportent avec eux le tout petit empereur, Antoko. Victoire! Youhou! Bien joué, les amis! Hélas, c'est là que les affaires se compliquent. Yoshinaka ne veut pas simplement aider son clan à renverser les Taïra. Il veut prendre le pouvoir et régner sans partage sur la famille Minamoto. Ses cousins vont tout faire pour l'en empêcher. Oh pétard, ça sent le roussi! Yoshinaka doit fuir avec ses soldats. Tomoe part avec lui. Nous sommes en 1184, c'est un petit matin gelé, en plein cœur de l'hiver. L'heure de la grande bataille finale a sonné. Dans le brouillard, 2 armées se font face. D'un côté, celle de Yoshinaka, de l'autre, les troupes menées par ses cousins. Les archers bandent leurs arcs. Pendant des heures, il pleut, non pas des gouttes d'eau, ça ce serait pas grave, mais des flèches, et dans tous les sens en plus. Aïe, ouille, ça blessouille. Enfin, les grands combattants de chaque camp s'affrontent en duel. Les chevaux foncent les uns sur les autres. Tomoe compte les hommes de son camp. Oh, c'est terrible, ils ne sont plus que 7. De son côté, Yoshinaka est en sacrément mauvaise posture. Son cheval est embourbé dans une rizière, ses sabots glissent dans l'eau boueuse. Vite, la samouraï vole à son secours. Hélas, elle arrive trop tard. Une flèche ennemie a réussi à se glisser dans son armure. Tomoe ne peut plus rien faire. Avant de mourir, Yoshinaka la supplie de fuir. Quoi? Mais il est fou! Et puis quoi encore? Tomoe est verte de rage. Demander à un samouraï de son niveau de fuir, mais c'est pire qu'une insulte! Cependant, Yoshinaka est son général. Elle doit lui obéir. Avant, elle décide d'accomplir un dernier geste de bravoure. Tomoe regarde à droite et à gauche. Pile poil dans son champ de vision, elle aperçoit un samouraï ennemi. Sans réfléchir, elle fonce sur lui. Au galop, au galop! Elle saisit un énorme tronc de pin qu'elle lance en plein dans la face de l'orque. Le coup est tellement fort que l'arbre se pulvérise en une pluie des chardes qui volent dans les airs. Telle une magnifique averse de paillettes d'argent. Le cavalier tombe à terre, son cheval rue, puis il s'enfuit dans la forêt. Tomoe, à son tour, disparaît dans le brouillard. Elle cavale des jours et des nuits entières sans s'arrêter. Après cela, ce qu'elle est devenue, on n'est pas très sûr. Certains racontent qu'elle aurait continué de combattre, d'autres qu'elle aurait rejoint un monastère dans la montagne. On a dit tellement de choses à son sujet, et même que Yoshinaka et elle étaient fous amoureux. Peut-être, sans doute, mais après tout, est-ce que ça nous regarde? Non, pas vraiment. La seule chose qui compte, c'est la trace qu'elle a laissée dans l'histoire. Et on peut dire qu'elle a sacrément marqué les esprits. Quant aux Minamoto, ils ont fini par vaincre les Taira. Une fois au pouvoir, ils ont inventé une nouvelle société au sommet de laquelle, pendant plus de 700 ans, les valeureux samouraïs ont régné. Mais tout ceci, je te le raconterai dans une autre Odyssée. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Tomoe Gozen est extrêmement forte au tir à l'arc, mais il y a une autre arme qu'elle maîtrise à la perfection, le Naginata. Il s'agit d'un grand bâton de bambou terminé par une lame acérée. Il permet de se lancer dans la bataille tout en gardant ses ennemis à distance. Vachement pratique, n'est-ce pas ?